Vous voyez que les vieux et les femmes sont entrés davantage. Les jeunes sont encore dehors. On peut commencer. Il faut une foudre, non? Ceux qui sont dehors, venez, on commence. Venez, on commence. Il va bientôt faire nuit. Peuple de Pitoua, que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Amen. Ok. La soeur, la soeur qui est derrière, c'est toi qui m'as dit qu'il y avait ton enfant à... où est la femme qui a demandé, qui m'a dit qu'il y a son enfant à Douala? C'est toi, n'est-ce pas? Donc, maintenant, vois le frère Eve, donne le numéro avec le nom directement. Pour ne pas oublier, parce que quand, va tomber, quand la nuit va tomber, là, on ne pourra pas peut-être identifier. Donne le nom et le numéro, on va voir. Demandez à ceux qui sont dehors d'entrer. Là, ils refusent. Oh, s'ils ont assez d'air à manger, ils peuvent rester dehors, prendre de lait, il n'y a pas de problème. Parce que quelqu'un entre, ça veut dire qu'il a un besoin. Et les femmes, il y a certaines femmes là-bas qui ont besoin de la prière. Elles sont où? Oui. Où sont les femmes qui ont besoin de la prière? De la prière pour la guérison. Regarde, tout d'un coup, ça a de profiter pour lever la main comme ça. Là. Donc, voici ce qu'on va faire tout à l'heure. Après, il va prier avec les anciens. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Après, ensemble, on va prier avec les anciens. On va prier pour vous. Pour que désormais les anciens prennent leurs responsabilités. Parce que la Bible déclare que vous, les enfants doivent prier pour vous en vous joignant d'huile. C'est ça dans les anciens. Voilà. C'est ça qu'il dit. Les anciens, si vous êtes les vrais anciens de la Bible, ça va couler en vous. N'acceptez pas le poste d'ancien, si on vous propose que je vais te nommer ancien, ne faites pas ça. Vous allez tomber sur le coup de jugement. Souvenez-vous de ce qu'on a dit depuis le toujours par rapport au poste là. Donc on peut commencer. Inclinons la tête, prions. Père céleste, toi tu bénis nos âmes. Tu nous donnes au Dieu de gloire la clarté là où il y avait l'obscurité. Seigneur, je demande au Père que tu continues à éclairer nos ténèbres. La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donne au Dieu de gloire de marcher à la clarté de sa lumière. Donne au Dieu de gloire de suivre ta parole chaque fois sans dévier ni à gauche ni à droite. Seigneur, nous ne voulons plus de ténèbres dans nos âmes. Nous ne voulons plus, au Dieu de gloire, de trébuchements dans nos marches. Mais donne-nous de tenir ferme, au Dieu de gloire, d'ancrer nos cœurs à cette parole. Donne-nous de la saisir, de la comprendre pour cette heure. Je prie au Dieu de gloire que tu bénisses ces hommes et ces femmes qui ont défié, au Dieu de gloire, le temps, les circonstances pour venir ici. Qui, au Dieu de gloire, ont abandonné chacun sa maison, ses effets, ses choses à faire, ses occupations pour venir t'écouter pendant 4 jours. Je prie, Père de gloire, que tu les bénisses et que tu viennes, au Dieu de gloire, dans tous les manques, en les comblant dans tous ces biens-là. Je prie, au Dieu de gloire, que tu exauces à leurs prières, à leurs cris. Tu connais chacun des besoins. C'est toi qui es le Père et le Dieu. Je prie, au Dieu de gloire, que tu les combles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Veuillez entrer. Nasté. Donc, après cela, je vais prier avec les anciens. Et puis, on va appeler celles qui ont besoin de prier là, ici devant. On va prier. Oui, mon cher. Oui. Ah, c'est comment? Vous commencez à lever les mains comme ça? Oui. Je vais demander. Par rapport au baptême. Oui. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Oui. Baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est lui donc qui a maintenant fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il meurt maintenant, est-ce qu'il ira en enfer? Bonne question. Très très bonne question. Je vais vous reposer la même question. Il faut que l'ancien s'assoie pour écouter ceci. Je vous pose la question. La personne qui est morte sans avoir connu Jésus. Parce que Jésus, avant que l'évangile vienne, il y a des gens qui vivaient. Et avant que l'évangile n'arrive, il y a des gens qui sont déjà morts. Vont-ils aller en enfer? Je veux que tu me répondes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'a jamais entendu ça. Qu'il n'a jamais entendu comment ça? Ouais. Mais est-ce que l'évangile a toujours été ici? Il y a eu un moment où les gens, l'évangile est venu pour venir, non? Donc avant que ça ne vienne vers le peuple là-bas qui ne connaissait rien de la Bible. Et on a commencé à leur expliquer les choses de Dieu. Qu'on abandonne les traditions. On abandonne les divinités. On abandonne les marabouts. Pendant même les marabouts. Parlant des marabouts, je veux maintenant que ceci soit vraiment bien explicité pour qu'elles saisissent. Vous les femmes, si vous êtes ici et que vous êtes allé chez le marabout, on vous a donné les poules pour que vous mettez, pour que votre mari vous aime. Levez-vous. Ça c'est un. Répète encore ça pour qu'elles saisissent. To wodi debbo hado kadi yayno ha mallum gambe hokki mo lekki gam heba gorko makko yidamo don hado kam o dimmo dara. Ça c'est un. Go man. Deux. Yida won man. Si vous êtes ici, ton hado, vous êtes allé chez les marabouts. On yayi ha mallum. Pour prendre les comprimés. Gam ha on heba lekki. Et consulter pour savoir si votre mari soit avec une autre femme. Ha on lara kadi gorko mo do wurtabe debbo fernato don hado. Il faut vous lever. Dimmo dara. Ça c'est deux. Yidi man. Trois. Tata won man. Si vous allez chez le marabout, ton me yawo ha mallum. Vous avez fait beaucoup tourner le cœur de votre mari pour qu'il se soit vous seulement qu'il l'aime. Ngam ha on hokka mon lekki kadi gorko mon bernama ko walta gal modon tan kam. Levez-vous. Dume dare. Voilà les trois. Ndata timan. Donc j'ai parlé. Ndami woli. Je m'adresse aux femmes. Mi do wonana rewbe. Et je sais pourquoi il parle ainsi. Andi ngano wolal. Donc quand l'évangile est venu, j'ai parlé, j'attends seulement la réponse. Mais wolbe timam do rena jabu yobe. Donc quand, avant que l'évangile ne vienne dans votre peuple ici par exemple. Ndata linjila kadi yotta hakka won hado kam. Il n'y avait pas la parole de Dieu. Les gens vivaient le fétiche, consultaient les morts, faisaient des traditions, mais c'était contre la Bible. Donc il y a un moment où on a apporté la Bible pour commencer à parler, pour que les gens quittent les traditions pour accepter le Seigneur. N'est-ce pas, c'est vrai, n'est-ce pas? Bon, la question maintenant c'est, avant la période que l'évangile ne vienne chez vous, il y a des gens qui ont vécu cette tradition là et qui sont morts avant que l'évangile ne vienne, n'est-ce pas? Ceux-là, ils sont où? Il dit ça parce que je m'a posé la question. Bon, on a parlé du baptême au nom du Seigneur Jésus. Baptême au nom du Père et du Saint-Esprit. Bon, maintenant, si quelqu'un meurt sans être baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit, est-ce qu'il va aller en enfer? C'est la question que tu m'as posée. Vous avez vu, quand Jésus a posé la question, je lui ai posé une question. Je te pose une question parce que la réponse est derrière. Où sont ceux, où seront, qui sont morts avant que l'évangile ne vienne? Où? C'est pas lui, c'est moi qui pose ça à vous tous. Vous ne savez pas? On en a. Oui, mon frère. Ils sont tous en enfer. Pourquoi? Tu es d'accord avec lui? Alors, tu goûtes ma coca, dis-moi. J'en ai parlé, il dit qu'il n'a jamais entendu parler, il ne sait pas. Bon, oui, mon frère. Ils sont dans le séjour de mort. Le séjour de mort, il séjourne seulement là-bas. Jusqu'à ce que le séjour de mort, c'est l'enfer. Le jour du jugement arrive. Oui, quand on va le juger, seront où? Quand on va les juger. Oui. Ils seront devant le trône. Oui. Après le jugement, on va les mettre où? Bon, au fait, qui aura fait le mal sera dans l'enfer. Oui. Mais non, aura... non, l'enfer, c'est le séjour des morts. La géhenne, c'est une chose. Donc, oui. Après le jugement, on jette dans la géhenne. Quand on va à l'enfer, l'enfer ce n'est pas le définitif. Donc ce que vous appelez l'enfer, c'est ce que la Bible appelle par séjour des morts. D'accord? Voilà. Donc il n'y a pas d'éternité dans le séjour des morts. Parce que l'enfer va remettre les gens qui sont là-bas. D'accord mon cher? Alors je pose la question, donc quand quelqu'un va mourir et qu'il est mort en pratiquant la magie, avant d'avoir connu l'évangile, il sera où? Qui a pratiqué la magie est en enfer. C'est ce qu'il dit. Mais le problème c'est qu'il n'avait pas l'évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la parole de Dieu pour venir lui dire que tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois pas faire comme ça, pour qu'il se sépare. Voilà, ceux-là qui meurent dans la loi. Oui. Écoutez très attentivement. Qui meurt dans la loi. Oui. Jugé par la loi. Qui meurt dans la loi est jugé par la loi. C'est-à-dire. On ne mind de tawreta kadi o hitado fo de tawreta. Non, il faut bien expliquer. C'est pas pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. Il veut que tu dises pour qu'il comprenne. C'est ça que je veux le dire. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis que qui meurt dans la loi. Dans la loi. Dans la loi, c'est-à-dire quoi? Étant croyant. Non, c'est-à-dire ici. Celui qui va mourir quand la loi est disponible. Et on c'est ça, non? Oui. C'est-à-dire quand à la période où la loi est donnée. Oui. Il sera par la loi, parce que c'était à côté de lui. Oui. Et celui qui meurt sans la loi. Écoute bien. Celui qui meurt sans la loi. Oui. Au fait, il n'est pas sous la loi. Il n'est pas sous la loi, ça c'est clair, parce que tu as dit sans la loi. Oui. Tu as dit. C'est dit qu'il ne sera pas jugé selon la loi. Ah, il sera jugé selon notre paramètre. Oui. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Les œuvres de la loi est écrit dans le cœur. Écrit dans le cœur. Voilà. Il va traverser le trône de jugement. Oui, il n'a pas dit qu'il ne va pas juger, mais il y a un principe. On ne doit pas prendre la Bible pour juger quelqu'un qui n'avait pas la Bible. N'est-ce pas? Voilà maintenant. Ok. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas entendu parler du baptême au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi on va le juger avec le baptême au nom du Seigneur Jésus? Luc chapitre 13. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, quand vous voulez appliquer un principe spirituel, appliquez ça chaque fois quand ça va se répéter. Ça va rendre ceci. Jésus, par exemple, quand il m'a dit, je marchais sur la terre. Il a dit à de Capernaum, de Jérusalem, et partout où ces miracles avaient été lus. Il prend les villes les plus méchantes que la Genèse, que l'Ancien Testament cite. Il dit, malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Capernaum. Parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome et à Gomorrhe, ils se seraient repentis. Vous voyez? À Sodome, personne n'est venu leur dire que quitter l'homosexualité. Écoutez très attentivement. À Sodome, Genèse chapitre 19, Dieu a fait descendre le feu pour brûler là-bas. Pourtant, personne n'est allé là-bas pour venir leur dire que repentez-vous parce que le feu vient. Dieu s'est venu brûler. Et ici, il dit que comme il a fait le miracle à Capernaum, à Chorazim, malgré les miracles là, les gens n'ont pas changé de comportement. Il dit que, au jour du jugement, ils seront jugés plus sévèrement que Sodome. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont eu la grâce devant eux. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas agi en conséquence. Tu comprends cela? Et ceux-ci n'avaient reçu aucun message. Ils seront quand même jugés. Mais la dimension de ceux-ci qui ont reçu le message sera plus terrible. Vous avez moi? Amen. Voilà. Maintenant, dans Luc chapitre 13, versets 3, 4 et 5, à partir du verset 1 d'abord, les Juifs viennent dire à Jésus, est-ce que tu sais que Pilate a fait mélanger le sang des gens qui venaient donner le sacrifice, les Galiléens? Parce que les gens sont allés au temple pour aller donner le sacrifice, donner leur offrande en sacrifice. Pilate a envoyé les gens, on les a tués. Ce qui fait que leur sang, on a versé le sang aussi dans le sacrifice. Ces gens-ci sont venus voir Jésus. Pour que tu vois ce que Pilate a fait à ceux-là, Jésus ne s'est pas concentré sur ceux qui sont morts. Parce que les conditions sont terminées. C'est à ceux qui lui ont apporté le message qu'il a dit. Il dit que vous pensez que parce que ces gens sont morts de la sorte, ils étaient plus pécheurs que les autres Galiléens. Et je vous dis, vous tous également. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le fait que ceux-ci ont vu la mort de ces gens-là, ça devait les pousser à la repentance. Et que ceux qui sont morts, ce n'est pas parce qu'ils ont trop péché qu'ils méritent de mourir. Et que ceux qui sont vivants, ce n'est pas parce qu'ils sont encore bien dans un peu pécheur qu'ils méritent de vivre. Il veut dire que tous ont besoin de la repentance. Maintenant, ouvrons le chapitre 12. Chapitre 12 de Luc. Il a cité ce qui est dans le chapitre 13. Ouvrons maintenant le chapitre 12. Nous allons lire maintenant le verset 40, à partir du verset 45. Fais-nous lire ça, frère. Écoutez bien, Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir du verset 45. Oui. Mais si ce serviteur dit. Bon, on va aller à partir, en remontant un peu plus haut. Verset 40, en descendant. Verset 40. Écoutez bien. Vous aussi. Tenez-vous prêts. Quand il est. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce que c'est à nous et à tous que tu agresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenant. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais écoutez bien, si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servants à manger, à boire et à se livrer, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'y s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, écoutez bien maintenant, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous avez entendu? Encore, il a encore sa frère, le serviteur. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, oui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Amen, c'est bon mon frère. En clair, pour répondre à ta question, quand vous comprenez la volonté de Dieu prêchée, vous êtes en danger. C'est la conclusion là-bas. Des questions? Oui, prenons ici aussi. Ma question, c'est dans Apocalypse 19, verset 4. Apocalypse chapitre 19, verset 4. Quand la Bible dit que les 24 géants et les 4 êtres vivants se prosternaient pour adorer Dieu. Oui. Maintenant, je me pose la question, qui sont les 24 géants et qui sont ces 4 êtres vivants? Bonne question. Mais avant qu'on arrive au chapitre 24, au chapitre 19, il y a d'abord le chapitre 1, 2, 3, 4, jusqu'à 18. Tu as tout compris ça? Hein? Non. Mais tu allais choisir dîner chercher quoi là-bas? Ah aussi, tu passes au sapot d'hier, mais... Hein? Parce qu'on parle de, c'est pas là-bas seulement qu'on parle de, on parle de depuis là-bas au chapitre 5, verset 8. Mais on a demandé qu'il y a d'accord, sur votre joie, où vous êtes au chapitre 5? Ouvrons Jean chapitre 5, verset 8 d'abord. Donc, quand on dit 24 vieillards, ça ne veut pas dire qu'ils sont vieux comme nos frères ici sont âgés. D'accord, ce n'est pas l'ancienneté de la vieillesse. Ce n'est pas qu'ils ont les cheveux blancs de la vieillesse, parce que là-bas, il n'y a pas de vieillesse. D'accord, mon cher. Apocalypse chapitre 5, verset 8, rapidement. Là, c'est là qu'ils sont ceux là. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Frère, tu y es, tu peux lire. Moi, c'est trop petit. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il dit que c'est trop petit, mais il a toujours les yeux devant. Il a lu depuis. Oui. Jean chapitre 5, le verset 8. Oui. Lève-toi. Pardon? Tu as vu ça où, frère? Lève-toi. Jean chapitre 5. Apocalypse. Apocalypse des gens. Dans tu fais quoi là-bas, frère? Attends, laisse-moi lire. J'entends, il me dit, c'est moi que je me lève. Que lève-toi. Apocalypse, c'est Apocalypse des gens, parce que c'est Jean qui l'a écrit. Apocalypse des gens, chapitre 5, verset 8. Joy, Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris. Un peu à haute voix, oui. Quand il eut pris le livre. Quand il eut pris le livre. Les quatre êtres vivants. Oui. Et les 24 vieillards. Oui. Se prosternèrent devant le lion. Oui. Du copain sur Balen. Tenant chacun une harpe. Oui. Moi, il d'or remplie. Remarque, de parfum. Kangeri, oui. Il sent les prières des saints. Kangeri, oui. C'est bon. Donc, comment tu as fait pour arriver au chapitre 19, verset 4, alors que ça se trouve ici au chapitre 5? Oui, ayoti kadi ha kadi fasulo sapo jene amanu ha kadi fasulo jene haro. Non, voilà, tiens ton. Eh mon cher. C'est quand même curieux. C'est-à-dire que tu es couru jusqu'à ce que tu l'aies retrouvé loin là-bas. Alors que ici au chapitre 5, ça se trouve. Tiens ton, Amadou n'a pas sur le deux. Puisque là-bas, si tu avais lu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, on parle de chapitre 5, on parle de 2. Au chapitre 6, on parle des différents couples. Et on va parler des 4 êtres vivants en décrivant. Comment ils avaient chacun la face de lion, de l'aigle, de bœuf, lion, homme, l'aigle, bœuf. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a décrit là-bas, papa. Comme eux. D'accord, mon cher. Tu me suis là. Hein? Lion. Baroga. Aigle. Mafire. Veau. Nagge. Homme. Horeneto. Mathieu. Mata. Marc. Marcus. Luc. Luca. Tu as compris cela? Afamidou. 12 apôtres. 12 pères fondateurs de l'église de l'Israël. 24 vieillards. 24 vieillards. Qui sont là pour garder le ministère de Jésus-Christ, le ministère terrestre de Jésus-Christ. Matthieu, Marc, Luc, Jean. 12 apôtres, Nouveau Testament, 12 pères fondateurs, l'Ancien Testament, entouré au milieu de le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, au milieu des Jean, Matthieu, Marc, Luc. Vous entendez ça? Amen. Vous avez compris? Amen. Bon, si entre là maintenant, peut-être vous allez encore saouler des sommeils. Donc, en réalité, donc, ce sont des choses symboliques pour signifier quelque chose, d'accord? Dans Ézéchiel, encore, ça se trouve. C'est pour ça qu'il dit que j'ai sans éviter d'aller avec vous dans les prophéties pour commencer à donner les explications. Il faut qu'on aille dans le B à bas. Pain, haricot égale manger. Oui. Oui, mon frère. J'ai deux questions. Oui. La première, elle concerne la Sainte Sainte. Oui. Comment la Sainte Sainte se prend et à quel moment? Bonne question. Donc ça c'est une question à deux volets. Comment la Sainte Sainte se prend et à quel moment? Bonne question. La deuxième concerne les offrandes. Oui. Là on en voit à la docker. Qu'est-ce que l'offrande? Bonne question. Qu'est-ce que le monde? Bonne question. La dîme et le sacrifice. Bonne question. Et est-ce que le chrétien doit payer la dîme et les offrandes? Bonne question. Comment il m'a seulement bombardé avec les questions maintenant. Et il bombarde comme ça à 18h. Vous avez les lampes? À une seule de ces questions-là, il faut au moins 4 pour développer. Oui. Oui, avant, on dirait avoir dans son sens au niveau du. Toutes les saintes et la sainte et oui. Bon. Qui a même d'avoir instauré la sainte et bonne question. Et qu'est-ce qui l'avait motivé à le faire? Vous voyez qu'ils se sont réunis maintenant pour même bombarder les questions. Les deux sont assis au même endroit. Voilà. Bon, maintenant, on a touché le baptême. Vous avez vu comment ça a créé le problème, n'est-ce pas? Vous aurez des problèmes ici maintenant. Et c'est vous qui avez créé les problèmes. Parce que c'est vous qui avez posé le problème. Et je suis obligé de répondre selon la Bible. Une fois de plus, on va amener maintenant la Bible à la lumière. Et vous allez voir que ça va challenger ce que vous faites. Et vous allez voir vraiment si vous aimez la parole. Présentez-moi votre livre. Vous aimez la parole que vous tenez? Amen. Ça veut dire que si elle dit quelque chose, vous allez aimer quand même. Même si vous faites quelque chose qui est contraire. Vous êtes d'accord avec moi? Okay. Je vais donc aller méthodiquement comme à l'école. Comment? Et de comment? Ça va. Ok. J'ai pas avancé. Ok. Bon, maintenant suivez attentivement. Je vais aller doucement. Méthodiquement. L'idée c'est que même si on ne finit pas, que c'est l'essentiel que j'ai dit, que vous avez compris, et que ça ait créé le boom. Peut-être que ce que j'ai laissé, que Dieu complète. Mais souvenez-vous, il y a des enseignements concernant tous ces thèmes, toutes les questions que vous posez là. Il y en a près de 900 enseignements déjà là. Donc toutes vos questions que vous posez, c'est déjà là. Répondu. Donc toutes les questions que vous allez poser, c'est déjà répondu. Parce que si vous voulez poser une question biblique, la réponse est dans la Bible. Ok, maintenant, je vais d'abord définir ce que c'est que la Sainte Cène. Et à la définition seulement, quand je vais finir de définir avec vous, je vais vous poser une question d'honnêteté. Pas d'honnêteté intellectuelle, mais d'honnêteté dans l'intégrité. C'est-à-dire qu'à la lumière de la définition, est-ce que c'est ce qu'on fait? Vous êtes d'accord? Vous n'avez que deux possibilités maintenant. Voilà qu'a diabolisé. Soit vous dites qu'on annule la question. Et on continue à quel attaque. Là, je tais la réponse. Mais dernier diabolisme. On reste dans la neutralité. Je n'ai rien dit. Voilà comme vous n'avez rien compris. Voilà qu'on annule. Soit vous dites je développe. Vous écoutez. Ça choque. Ça entrechoque. Ça boxe. Ça contrechoque. Mais que la parole reste toujours debout. Vous choisissez quelle option? On y va. Au choc. Amen. Amen. Donc, j'ai fait tout et tout pour que je sois neutre dans l'affaire. C'est-à-dire que je demande d'abord si vous êtes d'accord qu'on continue. Si on continue, ça se voit que c'est vous qui avez admis d'écouter. Et d'après ce qu'on a vu dans lui de Luc, que le serviteur qui a connu la volonté n'a pas agi selon ses volontés, sera bâti d'un grand nombre de coups. Parce qu'il est entré en relation avec sa volonté. C'est pour ça que c'est dangereux de connaître la volonté de Dieu. De chercher à connaître sa volonté sans au préalable être prêt à l'accomplir. Amen. Un homme riche était venu voir Jésus. Il a posé la meilleure question qu'un être humain puisse poser sur la terre. Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est la meilleure question qu'un être humain puisse poser. Ce n'est pas, je vais me marier avec qui? Où est-ce qu'il veut construire une maison? Ce n'est pas la vraie question là-bas. La vraie et l'unique question qu'un être humain doit poser, ça, c'est concernant son éternité. Les autres sont les accessoires. Il a posé la question à Jésus. Maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit, mais tu ne connais pas la loi. Il dit lesquels? Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne voleras point. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras point. Il dit, c'est ça? Il dit, oui. Il dit, mais j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Si je taisais, le problème devait être réglé. Il a encore causé une question. Que faut-il faire encore? Jésus l'a regardé. Il dit, ok, c'est toi qui t'as enterré. Comme il savait qu'il était riche, et que la richesse est liée à la cupidité, et que quand la cupidité prend ton cœur, tu ne peux pas obéir à Dieu. Il dit, si tu veux être parfait, va. Vends tout ce que tu possèdes. Écoutez bien, c'est un homme riche. Imaginez-vous un homme riche comme Fosso Vito du Cameroun. On dit littéralement qu'il vend tout, parce qu'une partie. Quand il a vendu, ça a donné l'argent entre ses mains. Jésus ne lui dit pas qu'investir pour l'œuvre de Dieu. Viens construire une grande baserie pour Dieu. Il dit va. Distribue-le en aumône aux pauvres. Vous voyez directement, on entre dans l'une de ces questions. Distribue-le en aumône aux pauvres. Donc, s'il vend ses 5 milliards, il faut qu'il se débarrasse de ces 5 milliards. Pas pour lui, à d'autres personnes qui sont dans la nécessité. Lui dit, quand il a fini de faire comme ça, il vient, qu'il le suive. Il a guetté Jésus comme ça. Que ce qu'on racontait sur le type, c'était vrai. C'est vraiment un fou. Je l'ai entendu la dernière fois dire qu'il n'a même pas où il dort. Donc, moi aussi, il vend ma maison. Il vend mes champs. Il mange. Je viens derrière lui. Moi, un ancien riche. Quand Jésus a dit ça, il a regardé comme ça là. Il n'a plus rien dit. La Bible déclare qu'il s'en est allé. Tout triste. Parce qu'il avait le plus grand bien. Mais quel est son problème? C'est qu'il a confronté Dieu. Il a demandé la volonté de Dieu pour lui. Dieu a dit ce qu'il faut faire. Il a rejeté. Donc comme il parle, c'est la destination pour l'enfer. S'il était passé tranquillement, il faisait ses aumônes tranquillement. Il saluait Jésus tranquillement. On devait prendre les commandements qu'il a respectés. Et jauger les œuvres qu'il a faites. Le tester au trône. Mais il est venu confronter encore. Il va encore faire quoi? On lui a dit. Donc quand vous posez la question que dit, mesurez ce que vous en avez dit. Il n'est pas avancé donc. Vous conduisez toujours qu'on pas choqué. Ok. Donc, je vais aller donc à la définition. Qui peut me lever donc? Je lui pose la question concernant la définition de ce qu'on, de la question. Qui veut se lever? Je lui pose la question. Pour qu'on voit ensemble. Souvenez-vous, la Bible est là. Personne n'inventera sa définition. La Bible est là. Vous allez voir que c'est amusant. Il dit qu'à la seule définition, vous allez commencer à avoir les problèmes dès maintenant. Là, il dit à la définition, sans entrer dans la Bible. Qui est chaud pour lever? Il peut se lever. N'est pas mal l'offrande. Comment lève ta la main, on te dit ce qu'on va parler. C'est pour l'offrande. Ne t'inquiète pas, c'est quand t'as bouffé beaucoup d'argent. Lève ta la main, on parle de la Sainte-Sainte. Parmi les anciens, personne ne veut se lever. Les anciens qui dirigent. La Bible parle des anciens qui dirigent bien. Personne ne veut se lever, personne ne veut se lever. Là-bas derrière, personne pour répondre. Voilà, mon Dieu, voilà, donc 150 personnes dans une assemblée. Chacun a peur de répondre à la question. Une question de définition. Si vous ne définissez pas bien, je vous lève seulement pour qu'on comprenne quelque chose. Voilà. Merci mon frère. D'après toi, qu'est-ce que veut dire Sainte-Sainte? Vous voyez que chacun de vous, vous avez entendu parler Saint-Saint, non? Qui a déjà entendu parler Saint-Saint? Donc vous tous, vous avez entendu parler Saint-Saint, n'est-ce pas? Et vous dites souvent que vous prenez la Saint-Saint, non? Mais vous prenez les choses que vous ne connaissez même pas. Donc c'est pour ça qu'il veut qu'on parte par la définition. La définition. D'après toi, mon cher frère, la Saint-Saint, c'est quoi? Bon, si je vais parler au niveau orthographique, ça veut dire que Saint-Saint, c'est un composé. Oui. On va d'abord le disséquer, ça veut dire le diviser. Oui. Saint, c'est quelque chose qui est pur. Et quand tu as dit que quand tu demandes, tu as dit que Saint. Saint. Saint. Oui. Saint. Bon, quelque chose. Donc le problème, c'est Saint, n'est-ce pas? Oui. Donc laisse-moi donner la raison parce que tu as assez de tu n'as pas trouvé. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Donc le frère a essayé. Donc, ce que vous appelez, ou mieux, voici comment vous trouvez une définition. Pour dire Saint-Saint autrement, on dit ça quoi? Oui? Dans on appelle ça table sainte. Table sainte. Voilà. Dans la table, si. Qui est saint? Table, tu n'as dit pas table qui est matérielle. Qui est matérielle, c'est-à-dire? Ce qui accompagne le couvert. Voilà, le couvert qui est dessus. Ou bien encore, on appelle, on dit quoi? Comment? Pain sans levain. Donc, il prend le pain sans lever, il met ici. Ça, c'est la Sainte-Sainte. Il dit l'autre nom que vous partez prendre. Vous dites quoi? Le repas. Mais c'est pas ce qui est écrit. C'est ça la Sainte-Sainte, non? Donc, l'autre nom de la Sainte-Sainte, c'est le. Encore tout le monde, non? Voilà. Donc, voilà la définition. Si vous réfléchissez déjà au moins bien, vous allez savoir qu'il y a un problème. Et si vous ne voyez pas le problème, je vais vous le faire créer maintenant dans votre esprit. Donc, saint, c'est comme il a dit là. Saint, le mot saint vient du latin. Du mot latin. Chena. On lit chena, on écrit sena, donc on lit chena. Et on, la définition de chena, saint, c'est ce que vous appelez en français souper. C'est-à-dire le repas du soir. Le matin, vous mangez, on parle de déjeuner. D'accord. Quand on mange le matin, la nourriture du matin, c'est le déjeuner. C'est ça, non? Quand on mange le soir, on dit qu'on est en train de souper. Donc, en latin, donc, le souper veut dire chenna. C'est ça qu'il y a donné le mot français de saine. Donc quand, vous dites que vous prenez la scène, vous en dites que vous allez prendre le sou. Le souper, pas vrai? Tous ceux qui ont appris le souper, levez-vous. Ici. Tous ceux qui ont appris la scène, levez-vous. Vous allez me tuer dans cette maison-ci. Ok. Maintenant, asseyez-vous. Merci. Donc vous tous qui avez été debout, vous avez pris la sainte. saint. D'accord. Maintenant, tous ceux qui ont déjà pris le souper, levez-vous. Ah, vous allez me tuer seulement ici. Mais attends, je viens de dire que le mot saint, ça veut dire le repas du Seigneur. Ça veut dire le souper. J'ai dit que qui a pris la sainte scène, vous tous vous levez. Il dit qui a pris le souper du Seigneur. Personne ne se lève. Bon, qui sont ceux qui ont pris le souper du Seigneur? Levez-vous alors. Dans le souper du Seigneur. Vous avez appris. C'est ça, non? Asseyez-vous dans l'homme dedans. Donc, j'espère que vous comprenez que c'est la même chose dont je suis en train de parler. Donc je vous ai posé la question que qui a pris la sainte, vous êtes levé. Et qui a pris le souper, personne ne se lève. Je suis encore définition pour vous faire comprendre. D'accord. Donc je recommence encore. Maintenant, restez-vous seulement assis. Qui sont ceux qui ont pris la sainte sainte, levez seulement la main. Voilà. Donc si vous avez appris la sainte sainte dans votre vie, levez la main. Baissez maintenant la main. Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Ceux qui ont appris le souper du Seigneur, levez la main. Voilà. Alors, baissez maintenant la main. Je veux être quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un qui sait qu'il est honnête, il est intègre. Que la personne s'élève, homme comme femme. Toujours toi, frère. Tu es honnête. Bon, parmi les femmes, je vais voir. Qui parmi vous? On dit parmi les femmes. On dit parmi les femmes ici, c'est en train de regarder l'autre femme. C'est pour dire qu'elles ne sont pas honnêtes. Elles cherchent par derrière celles qui sont honnêtes. Qui parmi les femmes ici est honnête? Qui? Non, il dit parmi celles qui ont appris la sainte scène. Hein? Si on n'a pas pris, ça ne vous conseille pas. Il dit celles qui ont appris. N'ayez pas peur, il ne doit pas dévoiler votre secret de péché. Si vous êtes honnête, levez-vous. Voilà ma soeur, bonsoir. Bonsoir. Viens ici. Il faut qu'elle me comprenne. Bonsoir. Bonsoir. Tu es honnête, n'est-ce pas? Allah, tu dis que tu as donné de l'argent à Oulan Gongadou. Elle va dire que quoi? Elle va dire ce qu'il faut dire. Non, elle demande qu'elle est honnête. Non, l'État, elle est honnête, non? Elle va quand même faire de son mieux. Ah, j'ai pas dit qu'elle sera honnête. J'ai dit que là, elle est honnête, non? Ça veut dire qu'elle va nous dire la vérité. Elle va dire la vérité. Donc, elle est honnête. Oui, voilà. Demande-lui si elle a appris la Sainte-Sainte. Amélie Osgo, Kritarina. Elle a appris. À quelle heure avais-tu pris cela? A quoi il nous a wakati nous a jamdi nous? Fadirana, Kiki de Namala, Chakanange, il veut voir à quelle heure? À Wakatu, à Ouidum. Elle a pris ça pendant la journée. Alors, applaudissez pour elle. Donc, elle est honnête. Donc, la scène est définie comme étant le repas qu'on prend à quelle heure? Et Kadi, et Kirtan, et Kadi, Mlati. Et honnêtement, dans les dîners, on va prendre à quelle heure? Donc, vous partez souper, vous partez déjeuner. Je veux toute votre attention et votre honneur. J'ai dit qu'on va challenger. Et j'ai dit à la définition, seul vous allez avoir des problèmes. Alors, je vous pose la question. Le repas du soir, vous avez pris à quelle heure? Ok, tous ceux qui ont pris le matin, levez-vous. Soyez honnête seulement. Voilà. Si vous avez pris le matin, vous prenez souvent le matin. Le matin, les dimanches matin, vous savez très bien que c'est vrai. Ou bien vers 10h. Ou bien vers 15h. Levez-vous seulement. Voilà. Voilà, 16h. Levez-vous seulement. Voilà. C'est bien. Applaudissez pour vous-même, vous êtes honnête. Applaudissez. Bon, maintenant, vos yeux dans mes yeux. Avec la définition qu'on a faite là. Honnêtement, vous avez pris la Sainte-Sainte. Est-ce que vous avez pris la Sainte-Sainte de la Bible? Il dit que je suis encore sur la définition. Parce qu'on va aller dans la Bible, là, vous allez voir ce que ça, la définition implique. Donc honnêtement, bibliquement parlant, pensez-vous que vous avez déjà obéi déjà à la période de cette affaire-là? Vous pensez que vous avez fait? Donc ça veut dire qu'on vous a trompé en réalité. Donc en réalité, de la même façon comme nous avons dit hier ici, que vous portez la Bible, et cette Bible à l'intérieur dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et vous dites que je m'en vais à l'église. Et que c'est faux ce que vous en avez dit. De la même façon, vous avez porté vos pieds, porté la Bible, courir le matin pour aller déjeuner. On te demande à Rouge que tu pars où. Tu dis que je m'en vais souper. Donc tu pars le matin. On dit que tu pars où. Tu dis que je m'en vais souper. Tu ne te poses pas la question. À cette heure-ci, ce n'est pas le souper. C'est le déjeuner. Parce que la Bible ne bégaye pas quand elle a sainte. Or, c'est la plus grande fête et la seule fête chrétienne. La seule. Ça a été saccagé par le diable au courant des siècles. C'est la seule fête que les chrétiens soient célébrés. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3 dit qu'on célèbre la fête pas avec le Dieu le vin. Le verset c'est dit qu'à Christ notre Père a été immolé. Et Joseph a dit qu'on fête ici à mémoire de lui. Donc vous voyez que je ne suis pas encore entré dans la Bible. Je ne suis pas encore entré. Donc d'après la définition de ce style de repas, c'est un style de repas qui se prend uniquement le soir, pas avant. Donc au nom de Jésus Christ de Nazareth, si vous avez pris ça en dessous de 7 heures du soir, vous n'avez jamais célébré la Sainte Cène de Dieu. Ça c'est la première chose. Je peux continuer dans le choc. Je peux continuer, frère. Alors, la question maintenant c'est, si vous n'avez pas mangé à la table du Seigneur, à quelle table avez-vous mangé? Répondez honnêtement. Parce que la table du Seigneur est sous son inspiration. Et si on fait quelque chose qui est contre lui, qui l'a inspiré? Et quand on le fait de façon saine comme ça là, que je suis pur en allant déjeuner. Et on te demande, tu pars où? Ceux qui m'avaient mangé la nourriture de la soirée. Comment ça se passe? Marc chapitre 14. Maintenant, on va dans la Bible. Je vous ai dit qu'à la définition même, ça pose problème. Ça, c'est la définition. Maintenant, si il vient maintenant sur le contenu de la scène, c'est un problème. Je continue, frère. Je continue. Maintenant, regardez d'abord Marc chapitre 4. Marc chapitre 14. Regardez-moi. On a défini la Sainte Cène comme étant quoi du soir? Comment? Le souper, c'est-à-dire, ou bien quoi? À haute valeur. Le ré. Quelqu'un qui est honnête encore s'élève. Quelqu'un qui est honnête, que ce soit femme ou homme, soyez courageux. Frère, je dis honnêtement, dis-nous honnêtement. On a compris que tu as mangé ça en journée ou en matinée. Dis-nous, est-ce que quand tu es parti, c'est le repas que tu as mangé ou bien c'est le pain? Honnêtement. Quand vous partez, on va te manger quoi? C'est le gâteau. Voilà, applaudissez pour lui. Il est honnête. Assieds-toi. Est-ce que là, on a dit que la Sainte Cène, c'est le gâteau du soir? Est-ce qu'on dit que la Sainte Cène c'est le gâteau du soir? Repas, ça veut dire quoi? Le repas, c'est quoi? La nourriture. Vous avez des problèmes. On va voir dans la Bible tout à l'heure. Maintenant, comment, frère? Comment? Qui a dit quoi? On va voir tout à l'heure que la nuit tombe déjà. Que la nuit tombe déjà. On va continuer. Souvenez-vous, ça peut faire mal. Le frère avait apprécié aujourd'hui en disant, te permettez qu'on vous trompe sur vos terrains, sur vos maisons, sur votre argent. Mais ne permettez pas qu'on vous trompe sur votre âme. Ne prenez pas ce qui est faux. Quand c'est établi dans la Bible, vous ne pouvez pas aller autrement. N'allume pas encore parce qu'on n'a pas encore. Lorsqu'il s'agit de la Bible, quand la Bible dit, c'est réglé. C'est réglé. Donc si il veut entrer dans les profondeurs, il va aller dans l'Ancien Testament prendre la Pâque sous l'Ancien Alliance. L'image à laquelle ça référait. Comment Jésus a célébré. Ce qu'il a annoncé qu'on fasse. Comment les disciples l'ont pratiqué. Et ce qu'on nous a ordonné de faire. Vous savez moi. Voilà. Donc, si on vous a trompé, les deux choses, soit vous acceptez ce que vous a trompé et vous continuez. Ou bien vous regardez ça. Vous faites « hack ». Pour ce que vous avez fait, donc on regarde la repentance. Tout. Et puis vous commencez à faire comme la parole dit. Parce que c'est un ordre du Seigneur. Et il a dit faites ceci. Il n'a pas dit faites n'importe quoi. Il a dit ceci en mémoire de moi. On va aller voir maintenant la circonstance, ce qu'il a fait. Et on va voir comment les disciples ont pratiqué aussi. Et plus encore, comme pour le cas des baptêmes, l'apôtre Paul n'était pas présent le soir-là. L'apôtre Paul est venu enseigner aussi sur ça. Il dit Jésus lui a dit ça. Et il a dit la même chose comme on commence. On avance. Donc on va voir qu'il y a là deux choses sur lesquelles on vous a trompé. La période de la chose, c'est-à-dire le moment de la journée, de le jour, du jour. Et la chose même concernant. D'autres personnes prennent un gâteau, comme il a dit, ils découpent un petit morceau. On compte le nombre de personnes. Prenons au maximum 200. On découpe. On verse ça dans le pain, c'est plein. On dépose là. On met un tissu blanc sur ça. Écoutez-moi. C'est pas le tissu blanc que tu fais que ça soit pur. Il faut que ça, ce qu'on fait soit aligné à la parole de Dieu. C'est ça qui fait de ça, que ce soit pur. C'est pas le tissu blanc que vous couvrez avec. On finit de couvrir le gâteau, le petit gâteau qu'on a coupé. Après, on prend peut-être le jus de bissap pour les autres. La grenadine pour les autres. Parce que c'est rouge. La grenadine. La grenadine. Parce que c'est rouge. Le bissap. Le foléré. Donc le sang de Jésus est foléré. Il vous faut la repentance. Et en prenant le bissap, on met les petits gobelets. On appelle ça les emplois jetés. On met ça beaucoup là-bas. Et puis une seule passe avec les plats. Pendant que les chorus sont en train de chanter. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. On va lire là. La Bible. Et vous allez voir que vous célébrez pour vous et pour vos patrons des dénominations. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est que vous êtes sorti quelque part. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on développe, vous voyez qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Quand vous êtes sorti de quelque part, faites attention à ce que vous avez reçu. Même si vous avez cru Dieu comme fait, vérifiez ça à la lumière de la parole. C'est pas le nombre de temps que tu vas passer à l'intérieur qui va faire que ce soit vrai. Tôt ou tard, tu vas venir à la parole et tu vas te prier à la parole si tu as la parole. Mais la Bible déclare, quand Jésus célébrait ce jour-là, il prit du pain. Il n'a pas pris des pains. Du pain. Un pain. Parce que nous, on a un seul corps. Après avoir rendu grâce, après qu'il ait rendu grâce, il le rompit. On ne rompt pas le pain avant de rendre grâce. Après. À la Sainte Seine, il va falloir être méticuleux maintenant. À la Sainte Seine, il faut être méticuleux. Parce qu'il a dit qu'on fait ça en mémoire de lui. C'est une commémoration. Quand on fait une commémoration, on célèbre la même chose des personnes périodiques. Alors quand on vient très tôt le matin, on fait les petits pains là. D'autres personnes prennent les biscuits. D'autres prennent le pain de Kumba. D'autres prennent le vin. Oh mon Dieu. On met là-bas, on couvre le drap sur ça. Le pasteur porte son gant aussi des sorciers. Les courus sont en gang. Les anciens sont en gang. Dont les associations des sorciers réunies. En pleine journée. Il se tient là. Le chef sorcier lève la main. Et dit, Père, nous sommes ici pour célébrer la Sainte Seine. Même Dieu lui-même au ciel est étonné. Dieu au ciel est étonné. Parce que c'est pas ce qu'il a ordonné. Il dit, Père, bénis ce pain. Et on ouvre là-bas. Il y a plusieurs pains. Vous avez vous replantir. Comment vous êtes calme comme ça? Dites Amen, je continue. Voilà. Même ça fait mal, je suis votre frère. Ce qui nous nuit, c'est la parole. D'accord? Ça me fait mal quand je découvre ces choses-là. Et que les gens que j'aime, je suis obligé de dire la vérité et qui doivent me détester. J'aurais souhaité que le Dieu m'envoie pas dans cette affaire-ci là. Que je sois aussi bien avec les gens. Mais je suis obligé de dire la vérité aux gens. Et puis les gens se séparent de moi. Ça me fait mal, mais pas autrement. Voilà comment tu as fait. Si, regardez par exemple. Si je n'ai pas posé la question sur la Sainte-Seine, est-ce que j'aurais parlé de ça? Je serais quitté, moi, parti, moi, tranquillement, à Douala. Un jour, vous prenez l'enseignement, vous entendez ça dedans. Vous dites qu'il ne suis pas d'accord avec lui ici. Jusqu'à là, vous avez pu lutter contre ma voix. Mais maintenant, vous avez posé, il doit parler. Alors, la Bible déclare Jésus prie du pain. Il prie du pain. Dans un. Après avoir rendu grâce. Rendu grâce. Père, c'est toi qui fais sortir le pain du ciel. Donc il dit la prière avant de rompre. Les gens rompent avant de prier. Ce n'est pas la commémoration. Chaque chose doit être à sa place. Vous me comprenez? Voilà. De même après le souper, les gens ont cité la Bible. On va aller tout à l'heure voir. En fait, si vous avez lu la Bible, vous savez que ce que j'ai cité, c'est la Bible. De même. Après le souper, il prit la coupe. Combien de coupes? La coupe. De même, après le souper, pas le déjeuner. Après le souper. Donc, il y avait le pain. Il y avait le souper. N'est-ce pas, frère? Il prit pas. On dit. Pendant qu'il mangeait, on va voir tout à l'heure parce que je vous ai dit Marc chapitre 14. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Donc ils étaient venus vraiment pour l'orer. Donc ils étaient effectivement à la table pour manger quoi? Le repas. C'est pour ça qu'on appelle ça le repas du Seigneur. Pendant qu'il mangeait, donc on a assis de manger. Tu es en train de manger. Pendant cet événement, Jésus se leva, prit du pain. Donc sur la table, il y a le pain, la coupe et les repas. Cette table est appelée le repas du Seigneur. Donc la table du Seigneur n'est pas constituée du pain et du vin. Vous avez moi? Alors maintenant, honnêtement parlant, bibliquement parlant, qui parmi vous a déjà célébré la Sainte-Seine biblique? Levez-le la main, honnêtement. Vous voyez qu'il y a plus de mains debout, non? Pointe quelqu'un dans le nez. Dis ne permets plus qu'on te trompe. Pointe quelqu'un, dis ne permets plus qu'on te trompe. Dis devant, derrière, même derrière, à côté de toi, dis. Même s'il faut se lever, lève-toi, va dire à la personne. Va dire à quelqu'un que ne permets plus qu'on te trompe. Dis-lui, épouse là, il faut que tu lises la parole. Dis, épouse là, il faut que tu lises la parole. Pour qu'on ne te trompe plus. Amen. Amen. On peut continuer? Pendant qu'il. Oui, mon frère. Oui. Romper la Sainte-Seine, c'est bon. Oui. Avec la coupe, mais le problème de la nourriture là. Oui. On arrive. Oui. Oui. Clair, non, c'est pour ça qu'on est là, on est là. Tous les éléments qui sont, on va éclaircir. Ouais. Le problème de nourriture. Vous appelez ça repas du Seigneur. Oui, et vous partez le matin, vous mangez les bouts de pain. On n'y a pas de on vous dit, oh, j'étais à manger le repas du Seigneur. Quelqu'un qui est normal ne dirait pas qu'il a de manger le repas en prenant du pain. N'est-ce pas, frère? Oui. Mais c'est ce que nous faisons chaque fois, chaque dimanche. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Donc on ne lève pas la coupe comme les catholiques et le pain. N'est-ce pas? On ne lève pas la coupe et le pain en même temps. N'est-ce pas? On ne mélange pas les petits pains dans la coupe comme les catholiques, on lève comme ça. Donc vous êtes en réalité, en toi de fond, vous avez tous hérité des catholiques. Pour le catholique, le prêtre sorcier, il se tient avec le gandoura. Il met ses verres comme ça. C'est comme ça qu'il met. Avec la coupe comme ça. Il a mis le gâteau dans le truc là qui rond rond. Dans le coup. Il fait comme ça. Tu viens, tu vois. Hein? Il fait comme ça. Il est tombé dedans. Après tu rentres comme ça. Que je suis catholique. Je suis confirmé. Je suis communié. Vous êtes tous des sorciers. On Vous avez la vue dans la Bible. Jésus a cassé le pain, mais il a trempé dans le truc. Il a demandé aux disciples d'ouvrir la bouche. Celui-là, il fait ça, il représente quoi? Voilà la preuve. Voilà la preuve que l'Église catholique est l'Église de Judas Iscariote. Celui qui trahit la parole. Parce que celui qui trempe son morceau de pain, c'est Judas Iscariote. L'apôtre qu'on a remplacé, c'est Judas Iscariote. Parce que c'est là-bas qu'on remplace, qu'il y a un remplacement apostolique. Parce que c'est lui qu'on a remplacé. Donc ce n'est pas l'église basée sur Pierre. C'est une église de judaïques. Donc le premier pape de l'église catholique, ce n'est pas l'apôtre Pierre. C'est Judas Iscariote. Parce qu'ils font étranger à la Bible. On dit Jésus a rompu le pain. Il allait donner en disant prenez, mangez. Et il semble une mélange de gâteau avec le lait. Ils font comme ça. Il met dedans. Il met. Lui, c'est lui boit la coupe. Il y a un problème, pas vrai? On dit de même après avoir soupé. Ça veut dire qu'ils ont fini de manger. C'est à la fin de la nourriture que Jésus prit la coupe. Il prit là. Là. Combien de coupes, frère? Là. Et après avoir rendu grâce, il les donna. Le pain est déjà distribué depuis. On attend, il mange. Quand il finit de manger, il prend ensuite la coupe. Donc on ne prend pas le pain comme les protestants et les autres font dedans. On t'étend comme ça plus près de toi, Seigneur. Tu prends un gâteau ici, tiens. Tu prends un foloré ici, tiens. Vous êtes des sorciers comme les catholiques. Disons la chose vraie. Parce qu'un sorcier, ce n'est pas seulement celui qui sort du corps. Un opposant de la Bible, c'est un sorcier. Je me pose la question, cette façon de faire là, vous avez vu ça où? C'est-à-dire, quand vous faites là, puisque Jésus a dit qu'on fasse quelque chose comme il a fait. Et il a dit, faites ceci. Il dit ceci en présentant ce qu'on doit faire. En mémoire de moi. Un homme sort. Il fait son style. Il lit toujours la Bible. Un autre homme sort. Il fait son style. Il lit toujours la Bible. La question c'est, dans la Bible là, est-ce qu'on a écrit ce qu'il en est de faire? Est-ce que l'autre a écrit ce qu'on en est de faire ici? Est-ce que ce qu'on a écrit? Mais Jésus a dit, faites ceci. Ceci c'est quoi? Ce qu'il a pratiqué. Alors pourquoi Jésus pratique quelque chose? On cherche à tordre des sens. Pourquoi ne pas faire comme il a fait? Pourtant c'est écrit là-bas. En lisant, on peut pratiquer. Quel est l'intérêt de détourner les gens de ces choses, de ces seules fêtes? De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, prenez, buvons en tous. Donc tous boivent de la même coupe. Parce que c'est le sang du seul corps qui est versé. Et la Bible déclare dans le Nouveau Testament que nous participons à la même coupe. Ce sang équivaut dans la Bible qu'on participe à la même coupe, pas aux mêmes coupes. Vous êtes ensemble avec moi? De la même façon, on dit qu'il y a un seul pain. Ce seul pain représente le corps de Christ. Et chaque personne qui prend part là-dessus participe de sa grâce avec le Seigneur. Vous voyez qu'il dit juste quelque chose à la définition basique. C'est moi pour vous expliquer qu'il y a un problème. Marc 14. Que Dieu vous bénisse, le peuple de Garoua. Il a été dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple de Dieu ne sera pas dans la confusion. C'est pour ça que Dieu a dit quitter Babylone. Sortez du milieu de mon peuple. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Donc il va sortir de tout ce qu'on a mis qui sont les tables de vos missions. Que le Seigneur vous bénisse. Qui va lire maintenant le verset, chapitre 14 à partir du verset 1 là, avec l'obscurité là. Tu peux lire, papa? Oui. Chapitre 14 de Marc, à partir du verset 1. Alors, écoutez très attentivement. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. Vous avez entendu, n'est-ce pas? La fête de Pâques et des pains sans levain devra avoir lieu deux jours après. Donc, attends, pas, pour que je explique. Donc, nous sommes aujourd'hui, par exemple, quel jour? C'est mardi. On dit que cette fête-là, s'ils sont aujourd'hui, la fête dont on parle a lieu dans combien? Deux jours, c'est-à-dire quand? Jeudi, non? C'est ça, non? C'est-à-dire le jeudi, la fête aura lieu. Je vous en voulais expliquer ça pour vous comprendre l'événement ici. Oui, continuons. Les principaux sacrificateurs et les scribes. Voilà, mais Christ dit qu'il cherchaient les moyens de tuer Jésus. Oui. Allons-y. Courage, papa, c'est pas évident. Cherchaient les moyens d'arrêter Jés. Oui. Par ruse. Par ruse. De le faire mourir. Oui. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, oui, afin qu'il n'y ait pas de lumière parmi le peuple. Oui. Comme Jésus était à Béthanie, oui, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Oui. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, oui, pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Oui. Quelques-uns. Non, ça va. Allons-y rapidement à partir du verset 13. Verset 13. Oui, au verset 12. Enfin, commençons à partir du verset 12. Là, c'est bon. Le premier jour des pains sans levain. Il y a des cas de jus de Pâques, comment? Où l'on. L'on immolait la Pâque. Et Yann demande qu'à libérer une kirsa kadi. Les disciples de Jésus lui dirent. Pourquoi est-ce que oui, mon? Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? On dit qu'à dire India en tas, mais y a une tasse qu'à la Pâque comme un hâtoy. Il envoya deux de ses disciples. On est les pourquoi ils ont oui, ben. Allez à la ville. J'ai un Bernard. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. On t'a envoyé au cadeau de Marifan ou bien. Suivez-le. Toquez-moi. Quelque part, il entre. Il entre, dites au maître de la. Pardon. C'est bon là, n'est-ce pas? Ok. Il entre, dites au maître de la maison. Ton assicabué, Diagoro Sareman. Le maître dit. Yomira, oui. Où est le lieu où je mangerai de la Pâque avant mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute. Meublée de toute prête. C'est là que vous nous préparez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il les avait dit. Écoutez maintenant attentivement. Et ils préparèrent la Pâque. Donc ils ont préparé la Pâque. Maintenant, écoutez maintenant comment le verset continue. Le soir étant venu, souligné. Vous avez entendu? Il arriva. Non, c'est bon. Et maintenant, vous voyez, nous commençons là, ça c'est le début de la Pâque. Il a dit d'aller préparer. Ils sont allés préparer. Il a attendu jusqu'à quel moment? Jésus, le maître qui a ordonné la Pâque, qui a prescrit sa célébration, lui-même en voulant pratiquer, a attendu. Il y avait le jour. Parce que c'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on regarde bien le jour. Donc, ils ont eu le temps des préparatifs, n'est-ce pas? Quand il a attendu jusqu'à quel moment? Jusqu'au soir. Le soir étant venu, là maintenant il est venu. Parce que c'est un repas qu'on prend à quel moment? Le soir. On ne prend pas ça en journée. Voilà le maître. C'est pour ça qu'il est pris depuis le début. Continuons maintenant. Donc soulignez, gardez-vous, je dis, le soir, ce sont les versets qu'on devait entourer. Le soir étant venu. Le soir étant venu, pour signifier l'heure de la l'heure, comprends cela. Avec les douze. Il arriva avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient. Non, ça va, c'est bon. Soulignez manger. Attends. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Un, le soir est venu. Avant qu'ils soient montés, n'est-ce pas? C'est pas ça, mes frères. Donc, c'est à quelle heure? Le soir. Deux, ils sont allés à table. Il y avait quoi? Le repas. Continuons. Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous mange avec moi me livrera. Stop. Est-ce qu'à cet instant, il leur a déjà donné le pain? Il leur a déjà donné le pain. Donc, ils se donnent à manger pendant qu'ils conversaient comme ça, n'est-ce pas? Ils se donnent à manger pendant qu'ils conversaient là, n'est-ce pas? Mais Jean, vous êtes fatigué? Donc, ils se donnent à manger pendant qu'il raconte cette histoire que l'un de vous qui mange avec moi. Donc l'un de vous qui mange avec nous ici sur la table va me livrer. C'est ça, non? Continuons. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat. Donc vous voyez que ce n'est pas le pain ou le vin que Judas discute avec Jésus, n'est-ce pas? Ils prennent la même nourriture, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudra pour cet homme qu'il ne fut pas né. Voilà, maintenant, toute votre attention à partir du verset 22. Maintenant. Toute votre attention, ça commence par pendant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas ce qui est écrit? Pendant qu'il mangeait, entourait ce groupe de mots. Vous voyez comment la Bible dit ce qu'elle dit, elle pense qu'elle dit, n'est-ce pas? Donc ça avait raison qu'on appelait ça le repas du Seigneur. Alors, que veut dire pendant qu'il mangeait? Ça veut dire que du moment du déroulement de cette affaire, n'est-ce pas? Continuons. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Stop. Donc, vous voyez que si quelqu'un définit la Sainte-Sainte comme étant le pain, il a un problème. Parce que Jésus-Christ a dit, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il ne partait pas manger le pain. N'est-ce pas, mes frères? Il a dit, j'ai désiré manger ce repas-ci avec vous avant de souffrir. Et pendant qu'ils sont en train de manger le repas, il se leva, il prit du pain. N'est-ce pas? Donc ce qu'il mangeait, ce n'était pas le pain. En fait, la Bible déclare pendant qu'il mangeait le repas. C'est pas ça, mes chers? Continuons. Et après avoir rendu grâce... Stoppons encore. Vous voyez, j'étais en train de citer ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas rendu grâce sur tout le repas sur la table, n'est-ce pas? Il mange. Après, pendant que les disciples sont en train de manger encore, il se lève, il prend le pain. Maintenant, rendu grâce, c'est-à-dire qu'il prie sur le pain. C'est pas ça? Maintenant, il prend le pain, il ne rompt pas avant de prier, mais il prie avant de rompre. C'est ça, n'est-ce pas, les anciens? Allons-y. Il le rompit et le leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Stoppons là-bas. Donc, on prend le pain qui n'est pas encore rompu, on rend grâce, on rompt et on donne ce qu'on a rompu au dit, pendant qu'ils sont en nez, appelez c'est pour vous-même. À cet homme, papa, on peut arrêter à ce niveau-ci. Que Dieu te bénisse dans la lecture. Alors, je pose la question. Qui sommes-nous en train de célébrer chaque fois? C'est pas étrange? N'est-ce pas étrange qu'on soit en train de lire ça maintenant et que vous découvrez maintenant dans votre propre Bible? Alors je pose donc la question. Qui est-ce qu'on va célébrer depuis donc? Souvenez-vous, même aucun faux pasteur ne viendra jamais dire que Satan est mort à la croix pour vous. Ils vont toujours parler de Jésus qui est mort à la croix. Mais souvenez-vous, il y a l'esprit qui conduit. L'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur conduit les gens dans l'erreur. L'esprit de Dieu conduit les gens dans la vérité. Et si vous êtes de la vérité, la Bible déclare que vous accepterez la vérité. Alors dans la pratique, comment ça doit se passer? C'est comme vous avez vu là. Je vais seulement lire 1 Corinthiens 11. Il veut couper quoi les explications? Parce que dans 1 Corinthiens 11, on est dans la pratique de la chose. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 11. Donc si vous avez programmé votre sensei avec l'ancien modèle, annulez cela jusqu'à ce que vous preniez le temps d'assimiler comment on doit le faire et pratiquer comme il se doit. Sinon vous aurez toujours avoir des problèmes avec Babylone. Mon frère là, il y est. 1 Corinthiens 11. La lumière la petite, je te donne celle qui est grande. Ok. Il lit pas comme ça, tu te poses. Baisse, pour que ça ne soit pas à les yeux là. Bon, maintenant tu vas pouvoir lire avec cette lumière, frère. Tu vas pouvoir lire avec cette lumière. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 20. Écoutez très attentivement. Là donc vous vous réunissez. Écoutez bien. Ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Stoppons là-bas. Attendez. Ici, qui écrit 1 Corinthiens? Donc il écrit longtemps. Est-ce que l'apôtre Paul a vu Jésus-Christ physiquement? Est-ce qu'il était présent lorsqu'on a vu dans Marc chapitre 14 tout à l'heure il était présent physiquement? Est-ce qu'en soirée là il était présent? Mais regardez ce qu'il écrit. Il dit lorsque donc vous réunissez, ce n'est pas vous manger le repas du Seigneur. Vous avez vu la façon dont il a appelé? Il n'a pas dit ce n'est pas pour manger le pain du Seigneur. Il n'a pas dit ce n'est pas pour manger le corps de Christ. Mais il a dit pour manger le repas du Seigneur. En fait, il était de vouloir lui faire les reproches. Maintenant, écoutez bien ce qu'il va dire. Continuez. Car on se met à table. Stop. Ici, ce n'est plus à Jérusalem. Ici, c'est dans la ville grecque de Corinthe. Il dit que car lorsqu'on se met où? Donc ici, dans la pratique, et aussi, il se mettait à... Nous sommes d'accord, si quelqu'un est d'accord, qu'il lève la main. Donc, et aussi dans la pratique, il se mettait à... Oui, continuons, écoutons. Chacun commence par prendre son propre repas. Stop. Donc, dans la pratique, les chrétiens de Corinthe se réunissaient, il y avait une table, il y avait les repas là-bas, et chacun commençait à prendre son propre repas. C'est pas ce qu'on a dit. Alors je pose donc la question. Il a appelé ça le repas du Seigneur. Et il a parlé de la table ici maintenant. Comme on a vu la table dans Marc chapitre 14. Et parce qu'on a dit, camarades qui étaient à table, ils étaient en train de manger. Jésus s'est levé, il a pris du pain. L'apôtre Paul dit la même chose là-bas. Et ça, il ne parle pas encore de ce que Jésus a fait. Il parle de comment ceux-ci pratiquaient de la même façon. Mais il y avait quelques désordres tout autour qui voulaient corriger. N'est-ce pas, mes frères? Donc, ici, encore une fois, on voit la table sur laquelle il y a les repas. N'est-ce pas? Alors, Jésus dit, dans ce cas, il pose la question. C'est quoi célèbre dans son doux sans repas? Parce qu'il leur a dit, enseignez-la à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà ça qui les observe. Si Jésus l'a fait, les premiers disciples l'ont fait. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Frère, vous voyez qu'on est en danger, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on est en danger, n'est-ce pas? Voilà, allons-y. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Oui. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Oui. Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Oui. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont pas. Ici, soyez concentrés ici, laissez le diacre faire le travail. Oui. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Mais en cela, je ne vous loue point. Donc, c'est vrai, l'apôtre Paul est en train de dire, les gens, s'ils venaient se réunir pour le repas du Seigneur, le problème arrivé, c'est ceci. C'est qu'avant que chacun venait avec le repas, il mettait à table. Il ne comprenait pas que quand tu quittes de chez toi avec le repas, quand on met là, ça fait le repas du Seigneur. Vous comprenez? Quand quelqu'un venait mettre son repas, si c'est le maïs, il arrive, il commence à manger là-bas sur la table. alors qu'on met le repas pour que tous on participe à ce même repas. Vous sensez, n'est-ce pas? Parce que quand on amène le repas, il y a certaines personnes qui n'ont pas le repas. Et que lui aussi doit participer à ce même repas. Donc ce qui apporte l'igname, lui il apporte le riz. Et que je n'apporte rien. Quand c'est sur la table, ce n'est plus ton repas. Ce n'est plus ton igname. C'est pour le Seigneur. Et donc maintenant, toi aussi vas participer à cela comme moi aussi je vais participer. N'apporte pas de corriger du fait que quand ils apportent le repas là-bas, chacun prend son repas, il mange, c'est pour moi. L'autre qui n'a pas apporté reste comme ça. Alors qu'ils sont autour du repas du Seigneur. Vous savez, c'est ça. Non, non, mais... Il veut corriger dans cela. Oui, oui, tout comme ça. Et maintenant, il dit que, est-ce qu'il veut vous féliciter pour le genre de choses comme ça? Si c'est comme ça, il ne vous félicite pas. Puis il va maintenant introduire maintenant ce qui s'est passé dans les évangiles. Car j'ai reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur. Donc le Seigneur lui a dit la même chose. Car j'ai reçu le Seigneur. Vérifiez ça, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Car j'ai reçu du Seigneur. Donc il dit clairement que qui lui a dit ça? Ça veut dire si le Seigneur lui a dit la même chose qu'il avait dit aux disciples sur la terre, ça veut dire que c'est important pour lui. C'est pas ça, frère? Eh bien, si c'est vrai, pourquoi il n'entend pas Amen alors? Amen. Je recommence encore. Dans Marc chapitre 14, les disciples étaient là-bas. Paul n'y était pas. N'est-ce pas? Mais longtemps après, quand Jésus l'appelle, Paul dit ici que j'ai reçu du Seigneur, pas des apôtres, du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. C'est que dans la nuit, vous avez vu le mot? Entourez ça. Dans la nuit. Dans la nuit. Où il fut livré. Donc Jésus est venu l'expliquer jusqu'à donner la période. Pas vrai? Dans la nuit. Remarquez bien qu'on n'a pas dit la journée. Donc dans la nuit où il fut livré. Donc, Jésus prit du pain. Donc il a fait ça lorsqu'il y avait l'obscurité. Donc il a célébré ça quand il y avait l'obscurité. Parce que quand on lit les évangiles, quand il a fini de manger, il est allé dans la montagne dite des Oliviers, dans la nuit, pendant qu'il chantait les cantiques, priait, c'est là où on venait l'arrêter. Pas vrai? Donc Jésus a répété jusqu'à donner les différentes jusqu'à donner la chronologie à la faute de Paul, d'enseigner ça à l'église. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Et la Bible déclare même là-bas, l'apôtre dit que de même temps, après le souper, vous avez repéré là où il a écrit, où il a dit ça. Vous avez vu? Nous sommes dans 1 Corinthiens. Vous avez vu? Après le souper, verset? Lisez le verset 25 à haute voix, mon frère. De même. Oui. Après avoir soupé. Stop. Vous avez entendu? Donc après avoir soupé. Qui parle? Qui parle ici? Non mais c'est quand même curieux. Vous êtes fatigué, arrêtez. Qui parle ici? L'apôtre Paul. Était-il présent? Il n'a pas fait l'erreur en disant demain après avoir déjeuné. Il a dit demain après avoir soupé. Parce que c'est en soirée. Il fait quoi? Il prit la coupe. Donc vous voyez, c'est le même événement avec la terminologie clairement comme on a lu là, non? Donc il a pris la coupe après que le souper se soit passé. C'est parce qu'on a lu dans les évangiles. Alors il pose la question, qui lui a dit ça? Qui lui a expliqué ça? C'est l'esprit. Alors si l'esprit lui a expliqué, ça veut dire que l'esprit tient à ce que ça soit fait de cette façon-là. N'est-ce pas mes frères? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Fermez dans la Bible. La sainte scène biblique n'est pas ce que vous prenez donc. Il vous faut la repentance. Vous les anciens, vous devez vous repentir. Parce qu'on vous a trompé. Et vous avez continué à tromper le peuple. C'est ainsi par la parole. Donc il faut la repentance. Vous allez voir que si vous voulez préparer la Sainte Cène, premier réflexe, vous faites comme vous avez vu faire quelque part. Ce qui est curieux, c'est que la Bible est devant vous. Personne n'est jamais allé dans la Bible pour dire, fais comme le Seigneur a fait. Vous faites comme les gens ont fait parce qu'ils ont dit, c'est comme ça que le Seigneur a fait. Mais on peut regarder ce que le Seigneur a fait. C'est pas comme ça qu'il a fait. Donc vous vous laissez tromper par les gens. Qu'un docteur, un tel a fait comme ça. Il n'est pas plus docteur, il soigne quoi? Voici la parole. Voilà la parole devant vous. Faites ce que la parole vous dit de faire. Laissez ce que chaque telle ou telle personne dit. Faites ce que la parole dit. Faites ce que la parole dit. Amen. Amen. J'espère que combien l'obscurité, vous avez quelqu'un d'abord profiter pour dormir. Vous voyez donc la seule définition et ce qu'on a vu là tout à l'heure suffit pour montrer que c'est la faute, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si je m'attelle, j'entre encore davantage à l'intérieur, ça sera davantage faux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a compris le fondamental. Ça ne se passe pas le matin. C'est en soirée. Ça veut dire que ça va se faire après le coucher du soleil. On a vu cela. Il faut qu'il y ait le pain. Et la coupe. Et la coupe. Et tous participent à la coupe. N'allez pas me poser la question, si on est 400, ça va faire comment? C'est votre problème. Il faut maintenant, quand je vous montre maintenant ce qu'on appelle l'église du Seigneur et sa manifestation visible, vous aurez des problèmes. Mais par la grâce de Dieu, vous avez ces choses développées dans les enseignements. Donc toutes les questions que vous pouvez poser tout autour, c'est développer là-dedans. Demandez seulement qu'on vous les donne, vous allez continuer. Vous allez continuer la suite là-dedans. Donc je vous ai donné la base. Quand est-ce qu'il y a du jour? Parce que le problème maintenant, c'est que dans certaines dénominations, on fait tout le premier dimanche du mois. Vous devez savoir que quelque chose ne va pas. Les catholiques, c'est chaque messe. En fait, c'est même ça qu'ils appellent la messe. Parce que si on enlève ça à l'église catholique, il n'y a plus la messe. Donc sur le sommet de la messe, c'est ce qu'ils font de tchan-tchan-tchan-tchou. C'est ça qu'ils appellent messe, pas vrai? Ils le font chaque dimanche. D'autres font le premier dimanche du mois, le dernier dimanche du mois. Avec les jours fériés. Le 25 décembre. Le jour de l'anniversaire de l'église. Le jour de l'anniversaire de la femme du pasteur. Donc ça veut dire que chacun dénomination fait comme il veut. Mais Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. En son souvenir, en souvenir de l'anniversaire du pasteur. Pas souvenir de telle ou telle chose. Donc c'est en mémoire de lui. Alors il y a eu une période où il a fait ça. C'est la période qui annonçait ça. Donc ça dit que c'est en souvenir de ce jour-là. Donc c'est un anniversaire de sa mort. C'est pas ça, frère. Il meurt le premier dimanche du mois, le 25 décembre, à l'anniversaire du pasteur, à l'anniversaire de la fondation du ministère, à l'anniversaire de l'année où il a pris la vision, à l'anniversaire du jour où il s'est marié. Pointez le doigt sur vous. Pointez-vous même le doigt. Pointez le doigt, dites qu'est-ce qui ne va pas avec nos anciens? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos pasteurs? Pourquoi nous dirige-t-il dans le faux comme ça? Dites que pasteur, changez s'il vous plaît. Dis, on va vous aider à changer, pasteur. Repentons-nous ensemble. Bonne soirée. Bonne soirée.